La voix de ceux que tu as comblés de tes grâces, non pas la voix de ceux qui ont encouru ta colère, tels les Juifs, ni des égarés, tels les chrétiens.